Bonjour Sylvie Simon. Bonjour Lilou. Merci d'accepter cette interview. Vous êtes l'auteur de Mensonges, Vaccins, Mensonges et Propagande. Exactement. Et vous êtes très actif pour dénoncer le mensonge qui existe sur cette terre. Oui, j'ai toujours détesté le mensonge et je trouve que nous vivons dans une société qui se fie aux mensonges de tout le monde. Et tout le monde répète des mensonges en croyant que ces mensonges vont devenir des vérités. Or, un mensonge est toujours un mensonge. C'est ce contre quoi je me bats depuis que je suis enfant. J'ai toujours eu horreur des mensonges. Ouais. Donc, qui détient la vérité? Comment on fait pour découvrir la vérité? Vous faites un véritable travail d'enquête? Qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord garder l'esprit critique. Et je crois que c'est dans notre société qu'il n'y a plus du tout d'esprit critique. Les gens avalent tout ce qu'on leur dit et vous disent, oui, mais on l'a dit à la télévision, on le met dans les journaux, donc c'est vrai. Mmh. C'est là qu'il y a vraiment le rôle des médias est extrêmement important. Donc en ce moment, on parle énormément de l'OMS, et il y a un énorme scandale. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, un scandale. Vous savez... Sylvie, attendez ça. Non, parce que, vous savez, moi je ne me réjouis pas des scandales. Ouais. Mais ces scandales existent depuis des années, ouais. Des dizaines d'années. Et ils viennent enfin à jour. Donc quand je me réjouis d'un scandale, c'est pas du scandale, je suis outré par les scandales. Mais enfin, on découvre que c'est un scandale. On admet que c'est un scandale, alors que jusqu'à maintenant, c'était larvé, c'était caché, on ne le disait pas. Donc effectivement, il y a déjà une dizaine d'années, il y avait deux journalistes qui avaient écrit un livre sur l'OMS, et qui avaient appelé l'OMS... qui les avait traités de criminels, qui avaient dit que c'était une immense, je sais plus le nom exact, mer de corruption. Mm-hmm. Déjà, mm-hmm. Il y a plus de 10 ans. Mm-hmm. C'était deux journalistes qui avaient écrit ce livre sur l'OMS. Donc il est extrêmement opportun maintenant que enfin, ce qu'ils avaient dénoncé trop tôt, vous savez, en France, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt, il est quand même très bon que maintenant, on sache à quoi correspond l'OMS. Qui, à l'époque, ils ont écrit leur livre, n'était pas aussi corrompu que ça l'est maintenant. En plus, ouais. Ils avaient déjà été choqués, parce qu'au départ, l'OMS, c'était un organisme qui a été fondé très très bien par les Nations Unies pour diriger les gouvernements et leur donner les informations que tout le monde n'a pas. Mmh. Or, maintenant, l'OMS est complètement infiltrée par tous les pouvoirs de l'argent, c'est-à-dire les laboratoires, les gros industriels, et qui ont vraiment énormément de pouvoir sur l'OMS. Donc l'OMS, maintenant, est devenue, n'est plus du tout une institution indépendante comme ça devrait l'être. Mmh. Mais il y a quand même des règles, parce qu'une pandémie, il y a une certaine définition de la pandémie. Alors, et voilà. Maintenant, apparemment, on l'a changé, c'est ça? On l'a changé il y a déjà un bon moment. Au départ, la pandémie était une maladie qui se répandait, c'était une épidémie importante, qui touchait des gens dans tous les continents, mais qui avait quand même un caractère grave, et extrêmement contagieux. Bon. Et mortel. Et mortel. Pas toujours mortel, mais enfin qui touchait beaucoup de gens, dont une grosse partie mourait. Et on a supprimé les deux dernières caractéristiques pour laisser simplement le fait qu'il y en avait sur tous les continents. Alors il suffit qu'il y ait... Alors dans ce cas-là, nous vivons au milieu d'une pandémie, de rhume, de crise cardiaque, de rhume de cerveau, effectivement, ou d'indigestion. Ouais. Du moment que ça touche uniquement tous les pays du monde, ben, tout est une pandémie, alors qu'on arrête ces imbécilités-là. Mmh. Et du reste, alors il y a des niveaux de pandémie, justement. Alors les niveaux dépendent de la gravité. Et c'est très important de voir que Madame Chan, qui a dénoncé, qui a fait passer l'épidémie en niveau 6, je crois que c'est au mois de mai, en déclarant que c'était une épidémie extrêmement dangereuse, extrêmement grave, qui allait tuer beaucoup de gens, au mois de décembre, c'est-à-dire 6 mois après, elle n'était toujours pas vaccinée. Et aux journalistes qui lui ont demandé si elle était vaccinée, elle a dit non, pas encore, mais je vais demander à mes services où je peux aller, comme si elle ne savait pas où elle pouvait aller. Donc elle savait très bien que le vaccin qu'elle allait ordonner de prendre n'était pas tellement fiable. Mmh. Donc qui prend les décisions? Comment ça se passe? Quel est le processus à l'OMS? Alors l'OMS donne des conseils. Il ne donne pas des ordres, il donne des conseils. C'est un peu impératif, hein. C'est toujours ça, c'est la question de l'obligatoire, du fortement conseillé. Vous savez, c'est un peu comme les vaccins qui sont obligatoires, qui étaient autrefois, il y en avait des obligatoires. Maintenant, on a mélangé les obligatoires et les fortement conseillés. Ce qui fait que les gens n'y comprennent plus rien. Et c'est fait exprès. Et là, c'est pareil. Donc, on donne des informations aux gens, mais c'est tout. Vous avez remarqué que, par exemple, il y a eu certains pays qui n'ont pas du tout vacciné. La Pologne n'a pas vacciné. Et il y a eu beaucoup moins de morts en Pologne qu'ailleurs. On pourrait se poser aussi la question. On ne se l'est pas posé à l'époque. Et on s'est dit, oh mon Dieu, les Polonais, ils sont fous, vous vous rendez compte, ils ne vaccinent pas, ça va être une hécatombe. Mais il y a eu très peu de morts en Pologne. Mmh. Mais la décision de l'OMS a un énorme impact sur ensuite la quantité de vaccins qui est commandée, sur plein d'autres choses en fait. Ah, sur plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils ont un point de décision quand même très important. Totalement. Ah oui, ça, ils ont un point de... Pas de décision, d'information, vous voyez. Quand on vous dit il va y avoir, ça va détruire, il y a 50% de l'humanité qui va être touchée, il est évident que c'est différent si l'OMS vous dit ça va toucher 1% de l'humanité. Et on avait fait croire que tout le monde allait être touché, que 50% de la population allait être touchée par cette grippe qui risquait d'être extrêmement dangereuse. Mais tout le monde savait bien que ça n'était pas... Quand, par exemple, quand on a continué les vaccinations, on continue à vacciner encore maintenant alors qu'il n'y a plus la grippe. Mm. Bon, et alors il y a aussi une chose qui a été lamentable, c'est que ça coûte très cher de savoir qui a eu la grippe hein, ou pas. Vous savez, le moindre examen coûte 80, je crois que c'est 80 ou 90 euros, donc on ne le fait pas. Et on vous dit maintenant qu'il y a eu 200 et quelques morts en France avec cette grippe A. Mm. Mais on n'en sait rien. Ah oui, donc la grippe saisonnière, elle est passée à pandémique. Exactement. Du reste, on a vu, les premiers temps, on a déclaré que les gens étaient en train de mourir, mouraient de la grippe. Et quand on a étudié bien leur cas, on s'est aperçu qu'ils avaient tous des maladies extrêmement graves adjacentes à la grippe. Si la grippe n'a été qu'un détonateur. Donc ils sont morts de leur maladie, peut-être précipités un petit peu par la grippe, mais c'est tout. Et à ce moment-là, du reste, il y a eu, j'ai beaucoup aimé les médias tout d'un coup, au 27e cas, on dit « enfin quelqu'un qui n'avait aucune maladie autre que la grippe ». Donc, enfin, quelqu'un qui n'avait pas la grippe. Mais c'est quelqu'un, quand même, qui a reçu une énorme dose de Tamiflu en arrivant à l'hôpital. Donc, on sait très bien, il faut aussi le dire, on nous a bien caché que le Tamiflu, par exemple, est un... vous prenez le Vidal, simplement le Vidal. Si les médias avaient pris le Vidal, ils auraient vu que le Tamiflu donne des pathologies respiratoires semblables à la grippe. Donc, qu'on arrête toutes ces bêtises-là. Tous les gens qui ont parlé étaient des incapables, qui ne savaient pas. Et je m'aperçois que même parmi les médecins, il y en a beaucoup qui n'ont pas cru à cette grippe et qui vous ont dit, nous nous sommes quand même fait vacciner par empathie pour les autres, pour protéger les autres. Ils savaient que c'était pas une grippe mortelle. Donc, c'est effrayant. Et alors, il y a aussi autre chose quand même qu'il faut signaler, c'est qu'on vaccine tellement contre la grippe maintenant qu'il y a des virus qui circulent moins. Vous savez que le fait que les virus circulent beaucoup moins font que nous n'avons plus d'anticorps naturels. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que ça a touché beaucoup moins les gens âgés que les gens jeunes, qui, eux, étaient tellement vaccinés dans tous les sens et que comme le virus circule moins, ça c'est vrai, et le virus circulant moins, eh bien, il n'y a plus l'immunité naturelle. Donc c'est et tout ça on nous l'a caché. Mmh. Donc c'est bien que maintenant ce scandale sorte et qu'on puisse mettre le point, la responsabilité sur l'OMS, mais sur tous les gouvernements et tous les médias qui ont suivi les ordres du gouvernement. Oui, non mais c'est ça. Quels sont les responsables dans tout ça? Parce qu'il y a quand même les grands médias, il y a le gouvernement, il y a l'OMS. Enfin, quels sont les acteurs? C'est une véritable. Certains parlent de mafia médicale. Exactement, c'est ça. Tout le monde a trempé dans le même bain. Hein. Tout le monde avait des intérêts. On ne sait pas qu'il y avait des intérêts ou pas, mais nous avons eu en France, par exemple, le professeur Lignat, par exemple, qui a dit que, effectivement, il dirige c'est lui qui était le conseiller de Roselyne Bachelot, un des conseillers, mais enfin, il est à la fois conseiller de l'OMS et conseiller de Roselyne Bachelot. Et il a dit, il dirige une association qui est financée entièrement par les 5 fabricants de vaccins de la grippe. Et il vous dit que ça n'a pas influencé. Mais comment peut-on croire des choses pareilles? Il y a comme ça en Hollande, c'est lui qui a déclenché un petit peu le scandale qu'il y a maintenant, qui s'appelle le docteur Osterhaus, qui est un Hollandais, et qui est un médecin qui touche aussi depuis très longtemps à tous les râteliers, qui avait commencé à dénoncer la grippe aviaire. Il y a très longtemps, vous vous souvenez, il y a à peu près 5-6 ans, on nous a parlé de la grippe aviaire en 2005, qui allait décimer la population. Bon, ben finalement, la grippe aviaire, elle est partie sans avoir tué grand monde. Hein. Mais il avait préparé tout le monde à la grippe aviaire. Et comme il a vu qu'il n'y avait pas la grippe aviaire, il a continué à dire, oui, mais ça peut arriver. Un jour, il va arriver un accident. Et effectivement, en cherchant bien, ils ont trouvé finalement cette petite pandémie qui a commencé au Mexique. Mmh. Donc, pour lui, ça a été extraordinaire, ça a été un pactole, parce que ce monsieur touche de tous les côtés des laboratoires. Je ne peux pas vous donner les chiffres ici, je ne les sais pas par cœur, mais je les ai écrits dans de nombreux articles. Ce sont vraiment des sommes énormes qui ont été en jeu. Ce sont des milliards et des milliards. Et c'est malheureusement des millions de cobayes qui ont servi pour un vaccin qui n'était pas expérimenté, qui n'avait aucun recul. Et malheureusement, ces gens servent de cobayes. Et on a eu des accidents immédiats qui n'avaient aucun rapport avec la vaccination, de nouveau, parce qu'on a fait valoir que ces gens-là avaient déjà d'autres pathologies. Alors que quand ils avaient d'autres pathologies pour être malades, on disait qu'ils étaient tués par uniquement le virus. Et quand ils avaient d'autres pathologies pour être touché par la grippe, on vous disait, par le vaccin, on vous disait que ce n'est pas le vaccin, ce sont les autres pathologies. Il faudrait qu'ils aient un discours cohérent. Mmh. Donc il n'y a pas eu du tout de discours cohérent. C'est extrêmement Mais important. Là, on se pose d'autres plans, d'autres questions dans le coup. Parce que, par exemple, l'industrie pharmaceutique, dans le coup, elle servirait pas à guérir certaines maladies, mais à les perpétuer. Évidemment. Mais écoutez, comme vous êtes en bon état, vous savez, il y a eu un scandale comme ça aux États-Unis il y a quelques temps déjà, qui a été dénoncé par la directrice d'un journal qui s'appelait Marcia Angels, qui a fait un travail remarquable. Je crois qu'elle travaillait pour le British Medical Journal, et elle a dénoncé, elle disait justement que les laboratoires, normalement les pharmacies, et moi je suis totalement d'accord avec elle, je l'avais déjà écrit même avant qu'elle l'ait dit, mais c'est bien qu'on se soit rencontrés à ce point de vue-là dans les dénonciations. Elle disait que les médicaments, les laboratoires pharmaceutiques fabriquaient normalement des médicaments pour guérir les gens malades. Mmh. Mais comme ils ont besoin d'avoir beaucoup d'argent, ils sont obligés de fabriquer des malades pour vendre leurs médicaments. Quand on aura compris ça, on aura tout compris. Alors qu'il y a certains petits laboratoires qui travaillent vraiment dans l'indépendance pour sauver des gens, je suis tout à fait d'accord. Mais ces gros laboratoires, c'est sans arrêt la recherche du profit. Vous savez que le profit, c'est notre échelon de valeur maintenant, l'argent. Donc pour avoir de plus en plus d'argent, ils sont obligés d'avoir de plus en plus de malades. Donc on n'a pas envie de guérir la population. Quand on aura compris que les laboratoires ne cherchent pas à nous sauver, on aura tout compris. Mmh. Alors qu'il y a certains... Les laboratoires ont aussi un lien d'intérêt donc avec l'OMS, c'est ça. C'est-à-dire que les laboratoires ont influencé l'OMS, parce que l'OMS ne vit que de l'aide des pays. Donc, comme les pays ne sont pas assez riches pour les financer, ce sont les laboratoires qui financent. Du reste, on le voit, tous les gens... Ils ne financent pas l'OMS directement, ils financent les gens qui sont des conseillers à l'OMS. D'accord. Bon, et qui vous prétendent qu'ils sont financés, mais que ça n'a aucun rapport, et qu'ils ne sont pas directement financés, que ça va à la recherche, etc. Ils se le mettent dans les poches. Du reste, vous allez voir au moment où tout ça va sortir, on va se rendre compte qu'il y a des quantités de gens qui ont touché, mais des milliards et des milliards. Si l'OMS était une personne... Il y a longtemps, elle serait en tôle en prison, au service des grands délinquants, et c'est ce qu'il faudrait, voyez, parce que chaque fois que les laboratoires, et ça ne joue pas que pour les vaccins, ça joue même pour les médicaments, chaque fois qu'il y a un scandale qui concerne un médicament, les laboratoires sont condamnés. Chaque fois qu'il y a eu on a vu que c'était vraiment, les laboratoires savaient très bien que leurs produits étaient très dangereux, ils ont continué à le vendre, ils sont condamnés. Alors moi, les premiers temps que je faisais ce travail, j'étais scandalisée, je me disais, mon Dieu, ils sont condamnés à 600 millions de dollars d'amende, oh là là, ça devrait les décourager. Pas du tout, étant donné que ces 5 ou 600 millions d'amende ont généré 5 ou 600 milliards de profits, pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent? Ouais, on arrêtera les choses que quand on mettra ces gens en prison, comme les grands délinquants. Parce qu'on le sait, ça a été, les tribunaux américains n'arrêtent pas. Moi, je reçois tous les jours, sur mon bureau, des informations d'Angleterre, des États-Unis, en France. Vous savez que ça, c'est comme le nuage de Tchernobyl, nous sommes protégés. En France, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de scandale, les laboratoires sont tout nets et clairs. Les laboratoires, de toute façon, sont complètement universels maintenant. Les laboratoires ont des pieds dans tous les pays, ils se sont tous alliés les uns aux autres, donc il n'y a aucun laboratoire spécifique de l'Amérique, de l'Angleterre ou de la France. Les Français vont en Amérique, les Américains vont en France, etc. Donc, tous ces laboratoires sont tous très intéressés par tout ça et ils veulent faire de l'argent. Donc tant qu'on ne les mettra pas en prison avec des délinquants méchants, voyez, pour que vraiment on leur apprenne qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, parce que c'est par millions de personnes, par milliers de personnes. Quand vous voyez le scandale du Vioxx, par exemple, qui a fait des quantités de dégâts, eh bien on est en train de dédommager les victimes. Est-ce que vous connaissez un assassin qui peut dédommager sa victime et échapper à la prison? Ça n'existe pas. Donc pourquoi échappent-ils à la prison, ces gens-là? Qui est le juge? Alors, qui les juge? C'est toujours pareil. Vous savez que c'est toujours des questions d'argent. Alors, il y a des quantités, et dans tous les pays, on trouve la même chose. Vous avez des gens qui sont là pour les juger. Ces gens-là sont après... engagés par les laboratoires. Il y a un scandale comme ça en Angleterre, au sujet du ROR. On sait très bien qu'il y a un gros problème avec l'autisme. Il y a eu des gens qui ont porté plainte. Il y a eu le professeur, le docteur Wakefield, que je connais, qui est un homme d'une grande intégrité, qui a été accusé à tort d'avoir fait des manipulations qui n'étaient pas correctes. Personne n'a dit que là, quand la campagne a commencé contre lui, c'est le directeur du Lancet qui a dénoncé la publication qu'il avait faite en 1998. Ça a été dénoncé en 2004. Et personne n'a tenu compte du fait que ça a été dénoncé parce que le directeur du Lancet a été nommé directeur non exécutif de SmithKline, le fabricant du vaccin. Ça n'a touché personne. Bon, il y avait des demi-familles qui avaient posé des plaintes. Moi, j'étais en contact avec ces familles-là, avec une partie, pas les 2000 évidemment. Il y a eu 10 personnes qui sont restées dans ce procès parce que les laboratoires les ont menacées, légalement, si vous voulez, en leur disant « vous perdrez votre procès ». Ce qui était évident, puisqu'eux avaient des cohortes d'avocats pour les défendre, et ces pauvres familles, vous savez ce que coûte le prix d'un avocat dans tous les pays du monde. Quand vous êtes une mère de famille qui a un enfant qui est autiste à cause d'un vaccin, vous allez vous adresser à un avocat, ça va vous coûter une fortune. Mais chaque fois, ils perdent, parce que les laboratoires sont tellement riches qu'ils ont payé cette cohorte d'avocats, et que sans arrêt, ils gagnent du temps. Donc, ça met très longtemps, on retarde les dossiers, etc., etc. Eh bien, on n'a pas non plus tenu compte, ces familles avaient droit à une aide juridique, judiciaire, pour justement les aider à supporter leur procès. Et un juge leur a supprimé cette aide. Personne n'a tenu compte du fait que ce juge était le frère du directeur du Lancet. Mm-hmm. Qui avait, bon, donc c'est extrêmement important, et il a bien fait dire par son porte-parole que ça n'avait pas du tout influencé dans son jugement. Non, enfin écoutez, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots. Mm-hmm. Et alors en plus, la campagne a été menée par un journal anglais qui s'appelle le Sunday Times. Or, le Sunday Times appartient au groupe de Murdoch, vous savez, qui est un des milliardaires de la presse. Et le fils de Murdoch a été aussi engagé par le laboratoire Smith-Kline Mitchum, vous voyez. Tout est comme ça, tout est collusion, pourriture de tous les côtés. Il faut vraiment faire table rase de tout ça. On ne le fera pas, hein. Enfin là, depuis quand même un moment... ça avance, parce qu'il y a 2 jours au journal de TF1, on parlait, le titre de l'enquête était « OMS accusé d'avoir exagéré l'ampleur de la grippe » et toute une... Voilà. Donc là, les grands médias s'y mêlent finalement. Pourquoi ils s'y sont pas mêlés avant? Pourquoi on n'en a pas discuté avant? Parce que quel est le rôle de la télé? De nous informer? Ça, je suis bien d'accord. Mais la télé... Alors, la télé, et d'abord, bon, elle est quand même censurée. On leur dit « ne vous occupez pas de ça, ne parlez pas de ceci et cela ». Ça, c'est certain. Mais la télé et la télévision, autant que les grands journaux, sont financés par la publicité. Bon, les laboratoires sont des généreux donateurs. Donc, quand on vous dit ils ne peuvent pas eux-mêmes se saborder, parce que s'ils disent la vérité, on va leur couper les vivres, on va les jeter. Vous avez vu le nombre de gens qui ont quand même pris certains partis courageusement à la télévision, on les a fichus à la poubelle, on les a jetés, carrément. Vous passez encore à la télé aussi, lui. Pas du tout, je suis passé 2 fois, pas en prime time. Alors ça, c'est la différence avec les États-Unis. Là, c'est passé aux 20h quand même, en l'occurrence, oui. Cette enquête. Exactement, ça c'est bien, mais bon, les journalistes ont dû avoir quand même du mal. Puis c'est passé parce que le scandale est tel que maintenant, on ne peut plus le taire. Mais jusqu'à maintenant, on le taisait. Or, il se trouve, moi j'ai des homologues américains et anglais qui sont des amis que je connais bien, ils passent en prime time à la télévision américaine. J'ai une amie qui se bat, que je connais, qui dirige une association américaine, qui passe en prime time à 8h30 sur CNN. Vous m'imaginez passer sur TF1? Oui. Bientôt. Oui, ça m'étonnerait beaucoup, vous voyez. Parce qu'il y a trop d'intérêt en jeu. Alors, on enlève en ce moment la pointe de l'iceberg. Bon, c'est déjà bien, mais tout le reste est au fond. Tant qu'on sera dans cette civilisation où vraiment tout est pourri, à tous les points de vue, parce que moi je me bats pour la santé et les vaccins, mais j'ai des amis qui se battent. L'agriculture, c'est exactement la même chose. Là, dans tout, l'économie, c'est pareil. Vous voyez ce qui se passe avec les banques et tout. Tout est complètement pourri. Donc il faut vraiment ficher cette civilisation en l'air, il n'y a pas d'autre mot, reprendre tout à zéro et reconstruire une autre société. Mmh. Et donc c'est un énorme problème. Donc ce n'est pas... Effectivement, ça va faire avancer. On va monter quelques marches grâce à ça. Mais ce ne sera pas la fin des ennuis, parce que c'est pas terminé. Il y a trop d'argent en jeu. Bien sûr. Des milliards et des milliards. Et alors, petit virus fait quand même le petit chemin. Le petit virus a fait beaucoup avancer les choses, et moi je le remercie tous les soirs en disant il a fait avancer la conscience de l'humanité. Vous savez, le virus, ce n'est pas toujours des ennemis qui nous attendent à la sortie de nos portes pour nous sauter dessus. Hein. C'est exactement comme... Vous savez, on veut éradiquer les virus, par exemple. Mais c'est pareil, on a voulu éradiquer les mauvaises herbes, vous avez vu ce que ça a donné. On a voulu éradiquer les microbes avec les antibiotiques. Maintenant, les antibiotiques n'agissent plus. On fait la même chose avec les vaccins. On veut éradiquer les virus qui vont durer de toute façon, qui vont muter et qui créent des maladies beaucoup plus graves. Donc, on ne peut pas... Ce qu'il faudrait éradiquer, c'est la soumission à l'argent, la peur, parce que toute cette campagne est beaucoup marché sur la peur. Moi, je connais des quantités de gens qui m'ont dit, vous comprenez, mon médecin s'est mis en travers de la porte et m'a dit, si je ne suis pas vacciné, il m'a dit, j'ordonne que vous soyez vacciné, vous ne sortirez pas de la pièce sans que vous ne serez pas vacciné. Bon, il est évident que vous ou moi, on aurait été confrontés à ça, on aurait flanqué une paire de claques au médecin, tout grand médecin qu'il soit, et on serait sortis sans se faire vacciner. Il y a eu des gens qui m'ont dit, mais oui, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'étais devant un grand patron en blouse blanche qui m'a interdit. J'ai dit, mais enfin, qui fait la loi? On est quand même encore propriétaire de notre corps. Ça va pas durer si on continue dans cette civilisation. Enfin, pour l'instant, on est encore propriétaire de notre corps. Donc, il faut quand même qu'on utilise nos droits et qu'on utilise nos voix. Donc, et malheureusement, on peut rien faire au point de vue, ce serait bien si on pouvait voter justement pour des gens différents, mais il n'y a pas de gens différents. C'est ça le gros problème, vous voyez. Tout le monde est dans le système et il n'y en a pas un qui osera faire des choses contre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Moi, sans arrêt, on me dit, ça, tu peux pas le faire parce que ça ne se fait pas. Je dis, bah, écoute, je vais le faire comme ça. À partir de maintenant, on le fera. Mm-hmm. Et je trouve qu'il faut avoir, et c'est pour ça que j'admire beaucoup votre travail, parce qu'au moins, vous avez le courage de dire la vérité, mais vous êtes sur, moi, effectivement, parler. Internet, et pas sur les grandes chaînes. Mais c'est ça qui gêne beaucoup, c'est que maintenant, heureusement, grâce à Internet, l'information passe. Et ça, c'est très important. Une information qui est un peu différente. Oui, et il faut que les citoyens soient quand même avertis. Une fois qu'ils sont avertis, si vous disent, moi, quand les gens me disent, moi, j'ai du tout vous dire, et puis je suis pas du tout convaincu, je continue à me faire vacciner, je trouve ça très bien, moi, je suis pas un gourou de secte, hein, vous faites ce que vous voulez, mais tant que les gens ne sont pas informés, moi, j'ai des quantités de gens qui me disent, grâce à vous, j'ai été informé. Et maintenant que je suis informé, je vois la différence. J'ai, par exemple, deux enfants aînés qui sont vaccinés et les deux derniers ne le sont pas, ou, bon, les chiffres sont toujours un peu différents, il y a une différence énorme entre les enfants vaccinés et pas. Mes enfants non vaccinés sont jamais malades, mes enfants vaccinés ont toujours des petits bobos, des petits trucs, ils n'arrêtent pas d'être malades. Donc il faudrait quand même le dire, que les vaccins n'ont pas sauvé l'humanité, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe pour tous ces professeurs qui ont parlé justement à l'antenne, sur des grosses chaînes, qu'il fallait se faire vacciner, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça? Vous remarquerez que tous ceux qu'on a invités sur les chaînes étaient des gens qui appartenaient à l'industrie pharmaceutique. Ils étaient tous payés par l'industrie pharmaceutique. Comme je l'ai dit dans une émission que j'ai faite dernièrement, je disais au médecin qui était en face de moi, je lui dis, mais écoutez, quand vous êtes payé par l'industrie pharmaceutique, ne me dites pas que vous êtes indépendant. C'est exactement comme si vous signez la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous n'allez pas vous tirer un coup de fusil dans le pied comme ça. Ah non, non, non, je vous assure, nous sommes indépendants. Mais c'est pas vrai. Ils ne peuvent pas être indépendants, on ne peut pas. Tant qu'on sera à la fois jugé parti, dans tous les pays du monde, on n'aura pas la vérité. Or, pour l'instant, tous ces gens sont jugés parti. Tous les gens que vous avez vus sur les ondes sont les conseillers de Roselyne Bachelot. Ils ont tous conseillé tous les politiques. Les politiques sont coupables. Parce que Roselyne Bachelot elle-même est marionnette à ce moment-là. Oui, mais vous savez que c'est pas marionnette. Je pense, là je fais un pronostic, ça m'étonnerait que je me trompe, je souhaiterais me tromper, Roselyne Bachelot va rester, malgré le scandale qu'elle a pu déclencher parmi les Français, ça ne s'est pas fait aimer, et elle va coûter cher malheureusement à Sarkozy, à ce point de vue-là. Je pense qu'il le sait très bien. Mais c'est pas elle qui va sauter, vous allez voir, ce sont ses conseillers, parce qu'en France nous n'avons que des « je suis responsable mais je ne suis pas coupable ». Et comme je ne suis pas coupable, je ne suis pas punissable. Donc ces gens n'auront aucune chose. Moi, je trouve que Roselyne Bachelot devrait passer devant un tribunal. Parce que même si ça n'est pas elle, je pense qu'elle est... Bon, je ne pense pas qu'elle ait assez d'intelligence pour avoir décidé tout ça elle-même. Elle a été, elle a été manipulée. Elle a un titre, oui. Mais ça ne veut rien dire. Vous savez, il faut avoir des diplômes maintenant. Il suffit d'avoir une très bonne mémoire. Vous répétez comme un perroquet, vous ne vous posez aucune question. Et là, vous avez tous les diplômes que vous voulez. À partir du moment où vous posez des questions, en général, vous sortez des rangs. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont commencé leurs études de médecine, qui n'ont pas terminé, alors qu'ils étaient très très très capables de le faire, parce qu'ils ont dit, je voulais pas être vraiment participer à cette espèce de lavage de cerveau général. Et moi, j'ai rencontré énormément de... J'ai beaucoup d'amis médecins dans mon entourage, que je consulte pas puisque je suis pas malade, mais qui sont des copains, et qui me disent, mais tu sais que sans toi, je savais pas tout ça, parce que je n'ai jamais rien appris sur les vaccins. Il faut savoir aussi que les médecins je crois qu'ils ont 2 ou 3 heures de cours dans tout leur cursus de 7 ans, minimum, sur les vaccins. Ils ne savent même pas. Moi, j'ai des copains médecins qui me téléphonent en me disant, dis donc, quels sont les vaccins obligatoires? Je sais plus maintenant, moi. Donc, ils ne sont pas au courant. Comprenez, les gens qui sont au courant sont les gens qui travaillent tout le temps. Mmh. Puis il y a un peu un automatisme qui doit s'installer aussi. À force de pratiquer la médecine, ben oui. Il y a un diagnostic, il y a une maladie, hop, il y a des automatismes. Voilà, et alors on soigne toutes les maladies de tout le monde de la même façon. C'est la même chose. On va vacciner un bébé de 2 mois avec les mêmes choses, qu'un adulte qui pèse 95 kilos et qui a 60 ans. Il faudrait qu'on arrête, qu'on fasse une médecine, je ne suis pas du tout contre la médecine, mais qu'on fasse une médecine personnalisée. Et ça, c'est notre problème, c'est que nous ne pensons jamais globalement dans notre monde. On parle toujours de... Et c'est la même chose. J'ai rencontré comme ça, à une radio, c'était pas la télévision, mais c'est une radio d'État, où j'ai rencontré un médecin qui était fort gentil, qui était... Bon, il m'a dit qu'il avait passé 60 ans de sa vie avec le virus de la grippe. Il connaissait tout sur le virus, évidemment, 60 ans. Tu vois, je lui ai dit que son horizon avait été quand même très très limité. Mais il était au courant de rien d'autre que le virus. Même pas l'impact par rapport à la... Il ne connaissait que l'attitude du virus. Bon, donc, vous voyez, tout ça, c'est on regarde tout par le petit trou de la lorgnette. Et on ne regarde pas la chose globale. Résultat, si toute cette médecine qu'on nous prône maintenant, et si l'OMS avait raison, et si Bachelot et toutes ces cliques... dans tous les pays, ils sont pareils, hein, avaient raison, les gens iraient de mieux en mieux. Or, ils vont de plus en plus mal. Donc, on devrait se poser des questions. Et quand une société comme ça va de plus en plus mal, un jour, elle fait faillite. Bon, la différence, c'est que les gouvernements ne font jamais faillite parce qu'ils repuisent de nouveau chez les contribuables tout l'argent dont ils ont besoin. Cette histoire qui nous a coûté quand même 2 milliards ou 2 milliards et demi, en vérité, ça va... Qui est-ce qui va payer tout ça, vous voyez? Et c'est ce que disait très justement le professeur Gentilini. Avec cet argent, on aurait pu carrément arrêter envoyer des moustiquaires en Afrique, ce qui aurait sauvé la vie de nombreux enfants. On ne l'a pas fait. On a tout d'un coup levé cet argent pour ce vaccin. C'était pas un truc d'intérêt public. Donc ça prouve bien que ce sont des intérêts qui ont joué uniquement. Ça, et quand les gens auront compris que c'était une question d'intérêt et que cette maladie n'était pas grave et que ce petit virus n'allait pas tuer tout le monde, il faut s'arrêter. Quels sont les autres scandales que vous pensez qui vont éclater dans les prochains mois ou qui sont en train d'éclater, dont on va parler grand jour? Oui, mais les scandales... Alors, on va prendre un exemple. L'amiante, par exemple, c'est un scandale qui a éclaté au grand jour. Elle a mis presque un siècle, hein, puisque l'amiante avait été dénoncée dès 1905, déjà au départ. Hein. Donc déjà, on savait que l'amiante était dangereuse. On a découvert que c'était dangereuse, on l'a interdite, mais vous vous rendez compte qu'il y a des victimes qui ne sont toujours pas dédommagées. Bon, il y a la même chose avec le sang contaminé, il y a eu la même chose avec l'hormone de croissance, vous savez qu'il y a encore des victimes qui ne sont pas dédommagées. Il y a eu, je recevais sur Internet des arrangements entre le fabricant du Vioxx, qui est Merck, et des victimes du Vioxx. Ils sont en train d'indemniser des gens en silence pour qu'on n'en parle pas trop. Et quand on sait que ces gens-là qui ont menti, qui ont été condamnés par les tribunaux américains, ont été des fabricants de ce vaccin justement contre la grippe, moi j'ai toujours enseigné à mes enfants que quand on mentait une fois, on passait pour un menteur. Eh bien non, ces gens ont été condamnés par des tribunaux pour mensonge aggravé. Continue à fabriquer des médicaments et continue à informer nos hommes politiques. Donc ils sont informés par des menteurs, par des voleurs, par des gangsters et parfois des assassins puisqu'ils ont tué des gens. Et ça passe quand même. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut remettre en question sévèrement. C'est ça qui est très très grave. Et ça, les gens ne sont pas au courant, vous voyez. De quoi on devrait être au courant, dont on ne parle pas spécialement à la télé, justement? Non, mais justement. Alors, par exemple, on nous dit, vous voyez, il y a un vaccin, ça n'a plus de rapport avec les laboratoires, mais c'est quand même pareil. Il y a eu un vaccin qui s'appelle le Gardasil, qui a fait un scandale, et on vous dit... À quoi ça regarde aussi? Le Gardasil, c'est un vaccin contre le papillomavirus, qui dans certains cas très rares, peuvent donner un cancer du col de l'utérus. Enfin, alors on a commencé à vous dire que c'était un vaccin contre le cancer, ce qui était faux, mais même le laboratoire l'a dit. Hein. Je suis obligé de téléphoner chez Pasteur, il vous disait, et c'était le Pasteur qui a dit que c'était Pasteur qui le fabriquait. Pasteur n'a fait que le commercialiser. Le fabricant est Merck. Merck, c'est le laboratoire qui a été condamné à cause du Vioxx. Il a eu le prix du MEDEC avec ce Vioxx. Maintenant, il a eu le prix Gallien avec l'autre vaccin. Et on vous dit, c'est un vaccin qui est bien. Mais ce vaccin, il est fabriqué par un criminel. Et on le prend quand même. Et alors, puisque nous parlons du Gardasil, je vous signale qu'il y a un autre vaccin qui s'appelle Cervarix, qui correspond au même et qui est vendu en Angleterre. Bon, eh bien, il y a beaucoup de dégâts avec ça et on ne sait pas du tout. C'est pour protéger normalement les filles d'un cancer qu'elles auront dans 50 ans. Comment voulez-vous qu'on sache si c'est bon ou pas? Eh bien, ce vaccin-là, comme il n'arrive pas à le vendre bien en Angleterre, vous savez ce que les pouvoirs publics ont trouvé? Eh bien, les Anglais, et ça m'étonnerait qu'on n'essaie pas un jour, on risque de faire la même chose, parce que vous savez qu'on copie toujours les pays étrangers dans ce qu'ils ont de mal et pas dans ce qu'ils ont de bien. Ces enfants, ces filles maintenant, à partir de 16 ans, sans la permission de leur mère, peuvent aller se faire vacciner, alors que normalement, il fallait quand même, ce sont des mineurs, avec la, il fallait la permission parentale, se font vacciner et on leur donne une prime de 45 euros. C'est authentique, hein, c'est pas un gag. Donc, les laboratoires sont, enfin les laboratoires, le gouvernement anglais paie des jeunes filles avec les deniers publics pour se faire vacciner. On est vraiment tombé sur la tête. Pourquoi faut-il ça? Ah ben ça, j'ai pas compris très bien. Il y a quand même quelque chose qui louche là-dessous aussi. Mais vous savez, c'est un peu... Dès qu'on touche au vaccin ou à la santé, c'est la boîte de Pandore. Vous ouvrez ça et vous ne savez pas du tout ce que vous allez découvrir. Et moi qui suis dans cette lutte depuis plus de 15 ans maintenant, je découvre chaque jour des choses plus importantes, des choses, chaque fois, tous les jours, je pousse des hurlements en me disant « mais c'est pas possible, là ils vont très loin, très loin, très loin ». Et ils vont de plus en plus loin, donc ils vont pas de plus en plus loin, en vérité on découvre qu'ils sont allés loin, comme on vient de découvrir le scandale maintenant de l'OMS. Mais vous allez voir que ça va être aussi un pétard usé, mouillé, on va vous dire « bah oui, on va renvoyer 2-3 personnes, on va changer l'organisation et puis ce sera tout ». Enfin, en attendant, la prochaine fois qu'on va annoncer comme ça une pandémie, les gens vont peut-être prendre du recul. Oui, mais c'est le danger. Une bonne nouvelle, non? Parce que comme ils s'amusent, non, mais alors là, justement, je trouve que c'est dangereux. Parce que, étant donné qu'ils s'amusent à tripoter des virus, vous savez qu'il n'y a pas plus mutagène qu'un virus, on ne sait pas où ça peut aller. Parce qu'ils ont quand même, ils sont amusés avec des virus comme l'Ebola et tout, qui sont des virus qui ont été fabriqués de main humaine. Quand ça a pété à la gueule des gens, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est vraiment ça, ils en sont morts. Bon, c'était les gens qui travaillaient dessus. Bon, ben tant pis pour eux, là, bon, on prend des risques. Mais quand la population, qui n'est pas au courant, risque d'avoir des choses comme ça, qui tout d'un coup émergent, on ne croira plus tous ces gens-là. Donc on n'aura pas pris de précautions. Ils jouent aux apprentis sorciers. On ne sait pas quelles seront les conséquences de toute leur recherche. Parce que, par exemple, quand on nous a menacé avec l'histoire de cette grippe qui pouvait ressembler à la grippe espagnole, le virus de la grippe espagnole avait disparu quasiment. Les Américains sont allés le rechercher, l'armée américaine est allée le rechercher en déterrant des cadavres de 1918. Donc, il faut quand même aller rechercher un virus pour le récupérer. Il faut être très vicieux. Laissez-les dormir en paix. Bon, alors, est-ce qu'il y a quand même une petite lueur d'espoir? Est-ce qu'on pourrait finir sur une note positive de tout ça? Quel est le bilan? Moi, j'ai une lueur d'espoir, je vais vous dire dans quoi. Pas du tout dans le gouvernement, parce que ça, je crois que c'est désespéré, qu'ils soient de gauche, de droite ou du milieu, c'est pareil. Hein. Je ne fais pas du tout de politique, parce que tous les politiques sont... Pour arriver en politique, il faut que vous soyez soutenu, que vous ayez de l'argent. Bon, les laboratoires, c'est la meilleure manne qui existe. Donc, tous ces gens-là ne se battent pas pour vous, ils se battent pour leur pouvoir, à part certains élus locaux qui y croient. Il y en a quelques-uns, mais ceux qui arrivent dans des très hautes places, ils sont des marionnettes. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'ils soient des... Sinon, on vous le dit, par exemple, pour Obama, c'est l'homme le plus puissant du monde, il n'a aucune puissance. Quand il veut faire quelque chose, il a tout le monde contre lui. Mmh. Donc, ça n'est pas vrai. Les chefs d'État ne sont pas aussi puissants qu'ils le croient. Ils sont dans le pouvoir, ils sont... Quelle est la bonne nouvelle? Alors, la bonne nouvelle, c'est que, justement, d'après beaucoup d'économistes et autres, il suffit d'avoir 5% de la population qui soit consciente pour faire changer la mentalité. Et moi, je compte sur la population, pas du tout sur nos gouvernants, pas du tout sur nos journalistes, excepté les gens comme vous, et il y en aura de plus en plus, ça c'est certain, vous allez voir de la concurrence, parce que de plus en plus de gens vont s'éveiller. C'est plus de la concurrence. Et vont prendre, mais ce ne sera pas de la concurrence, au contraire, on n'est plus pas dans les... Il faut qu'on soit plus dans une civilisation de concurrence, il faut qu'on soit dans une civilisation d'harmonie, de travailler tous ensemble, personne n'est concurrent de personne, tout le monde, au contraire, on devrait tous s'entraider. Donc à partir du moment où les citoyens auront pris conscience de ça, et ce petit virus, je vous dis, a bien aidé quand même les gens à prendre conscience de tout ça, exactement comme la crise écologique et toutes ces choses-là, je pense qu'il va y avoir un changement de conscience. Il suffit que nous soyons 5% pour changer complètement la mentalité de l'humanité. Vous savez, c'est l'histoire de la physique quantique, et il suffit d'y avoir quelques personnes qui font tout changer. C'est l'histoire du centième singe, je crois que tout le monde la connaît, c'est pas la peine de la répéter à la radio. Mais tous les gens, au moment où le centième singe, ou le 300e, je sais pas combien ils étaient exactement, a pris conscience qu'il fallait laver les patates, eh bien à ce moment-là, tous les singes qui étaient séparés pourtant, même à des kilomètres de là, séparés par la mer et autres, tous ont fait les mêmes gestes. Donc je pense que quand il y aura 5%, vraiment 5% de l'humanité complètement consciente, ben, toute l'humanité va changer. Quand l'humanité va changer, ben, moi je pense qu'on est près de 5%. Je pense qu'on est très près de 5%. J'avais rencontré en 2002 Teddy Goldschmidt qui m'avait dit, vous savez, nous sommes à peine 1,5%, 2%. Je pense que ça a beaucoup, beaucoup avancé depuis. Donc nous allons pouvoir... tous réunis, faire changer cette humanité, et à ce moment-là, ce changement de conscience fera qu'on ne voudra plus. Vous savez ce que disait Coluche, il disait, si on ne consommait pas, on ne fabriquerait pas. Donc, ce sont, on attaque des fabricants. Mais si les gens n'étaient pas des consommateurs, on ne fabriquerait pas. Donc, à partir du moment où on sera tous comme nous, pas des consommateurs, ou alors des consommateurs intelligents et avertis et conscients, surtout conscients, et autonomes, mais pas des super consommateurs en arrêtant de polluer la planète, à ce moment-là, je pense que tout le monde sera obligé de suivre. Et ça, j'ai rencontré souvent des scientifiques de très haut niveau qui m'ont dit dans mon groupe, vous savez qu'on est à 70% d'accord avec vous. Je dis, mais qu'est-ce que vous attendez pour bouger? Ils m'ont dit, bah, si on bouge, on perd nos situations, on perd nos patients quand on est des médecins et tout. Donc on est obligé d'être dans la pensée unique. Mais à partir du moment où il y aura ce basculement, à ce moment-là, on sera tous d'accord avec vous. Donc vous voyez, on est quand même sur la bonne chaîne, sur la bonne lignée. Et je pense qu'on est dans une action qui maintenant va quand même aboutir. Et tous ces scandales, justement, c'est pour ça que je suis ravie que tous ces scandales émergent. Je dis bien, ils étaient là avant, mais que ça émerge enfin pour arriver à changer la mentalité du monde. Et au moment où la mentalité sera changée, on sait très bien que les gens conscients se diront, du moment que nous avons une vie saine, une vie normale, où on n'est plus malade, donc on n'a plus besoin des laboratoires, excepté dans des cas extrêmement rares. Et on sait par exemple, et même beaucoup de médecins qui ne sont pas du tout dans mon combat avouent qu'il y a 200 médicaments, par exemple, qui sont utiles à l'humanité. 200, on en vend combien de milliers? Ça sert à quoi? Et on en fabrique sans arrêt des nouveaux. Autrefois, on prenait l'aspirine. Maintenant, il y a 36 trucs qui remplacent l'aspirine, qui sont aussi dangereux, ou enfin, mais avec des effets secondaires beaucoup plus graves, mais qui coûtent 20 fois plus cher. Alors, il faut qu'on arrête tout ça. Voilà, mais c'est pour ça que je suis très optimiste. Merci pour la parole, Sylvie Simon, de partager toutes vos découvertes, vos recherches avec nous. Merci à vous, en tout cas.